Moi, je m'appelle Carlo Pala, je suis un politologue sarde qui travaille à l'Université de Sassari, dans la section de Nuoro en Sardaigne. Et je vous remercie surtout pour votre invitation. Pour moi, ça fait un plaisir de retourner en Bretagne. Veuillez m'excuser pour mon français que vous pouvez écouter, c'est très mauvais, malheureux, même si j'avais passé ici 6 mois, presque 6 mois, en 2006 pour ma thèse de doctorat. Je remarque moi-même que c'est empiré, donc je m'excuse surtout pour les accents et tout ça. Et si vous voulez, en fait, on peut retourner sur les mots. Et je tiens aussi à remercier beaucoup Anne pour le dérangement que je lui ai provoqué avec mes mails continus. Je me répète, je suis très très très heureux d'être ici parmi vous. Et l'objet de mon intervention, c'est un sujet particulier pour la science politique et la sociologie. C'est pas encore si exploré, si vous voulez. Même si je trouve que c'est un objet d'étude très très important, pour les raisons qu'on va voir. Le professeur Lekwadik disait pourquoi vous avez appelé autonomia en italien et pas autonomie, parce qu'en fait il y a une raison, j'essayerai de l'expliquer. Et l'objet, enfin la finalité de mon intervention, c'est de montrer c'est ce qu'il se passe en Sardaigne aujourd'hui. C'est un mouvement identitaire perpétuel parce que, si vous voulez, on a toujours une autre identité, mais on n'a pas arrivé souvent à la politiser. Et donc, l'objectif de cette intervention, c'est de montrer comment on fait et ce qu'on reste, ce qu'on arrive à faire et ce qu'on n'arrive pas à faire. Et donc, l'explication des titres, c'est un peu ça. Et tout d'abord, il faut juste un bref encadrement géographique et historique de ce sujet. La Sardaigne, c'est la deuxième île de la Méditerranée, vous savez, c'est au bas de la Corse. Et elle a en superficie à peu près de 24 000 km². Et du point de vue géologique, c'est une des terres plus antiques d'Europe. Aujourd'hui, elle a environ 1 600 000 habitants, ce qui ne fait une région vraiment peu, avec peu de population, mais la densité des populations c'est très très basse. C'est la troisième région en Italie à avoir la densité la plus basse en absolu. Elle est divisée du point de vue institutionnel administratif par 8 provinces qui sont le département, l'équivalent de département en Italie. Et là, il compte 377 communes. Et même si c'est un petit peu comme la Corse, vous connaissez peut-être mieux que la Sardaigne, même si elle est une île, est très très montagneuse à l'intérieur, ce qui en fait si on veut en orogenèse et un système de transport pas vraiment facile. C'est aujourd'hui une économie agropastorale qui encore survit dans l'île. Et en fait, elle aussi est très importante pour les raisons qu'on va avoir après. Rapidement, ne vous préoccupez pas de si beaucoup d'informations. En fait, je le fais aussi pour le laisser, si vous avez plaisir, la présentation. Sardaigne a une histoire très, très ancienne parce qu'il a vu la présence de deux civilisations très importantes. La civilisation pré-nouragique, on dit comme ça, et la civilisation nouragique. La civilisation pré-nouragique va de 6000 avant Jésus-Christ jusqu'à 1600 avant Jésus-Christ. Et c'est une civilisation mégalithique qui a fait, vous connaissez bien parce que c'est en fait un mot breton, menhir, dolmen, on a ça en Sardaigne, on a plein de ça en Sardaigne. Et dans cette période-là, la Sardaigne avait pas mal de communications avec les autres peuples de la Méditerranée. Après, cette civilisation ici a été substituée par la civilisation nouragique, donc avant la pré-nouragique et après la nouragique, parce que ces noms prennent les noms, en fait, de la construction mégalithique pour laquelle est typique la Sardaigne, c'est celle de Nuraghi. Il s'agit de Nuraghes, il s'agit, on verra une photo après, des constructions mégalithiques en pierre qui en contournent la Sardaigne. Il y en a en compte 10 000 à peu près, à 10 000 en Sardaigne. Et elle va depuis 1800 avant Jésus-Christ jusqu'à 105 ans avant Jésus-Christ. Quand elle était, après les guerres face aux Carthaginois et Phéniciens, a été substituée par les Romains, par l'Empire romain, depuis 250 avant Jésus-Christ jusqu'à 430 après Jésus-Christ. Donc on arrive déjà à l'histoire, si on peut dire comme ça. Et donc Rome tentera de conquérir l'île, mais surtout la partie plus montagneuse à l'intérieur, dont je suis originaire, a résisté. Et c'est le nom aussi d'un héros, Ampsicore, qui a résisté. C'est l'équivalent, même si c'est pour périodes différentes de Nominoé en Bretagne. Et donc, elle est devenue une île province de Rome, mais comme je vous disais, on n'a pas réussi l'Empire romain à l'occuper toute. Après, avec Byzance, Gênes et Pise, on entre le long chemin de l'occupation de l'île. L'occupation de la Sardaigne qui arrive jusqu'à peu près 1100 après Jésus-Christ, où la Sardaigne a été divisée, s'est divisée tout seule en quatre judicats, on dit judicats. Donc c'est un des premiers exemples de fédération dans l'histoire d'Europe. La Sardaigne a été divisée en quatre carrés, si vous voulez. Centre-nord, nord-ouest, nord-est, sud-ouest, sud-ouest et sud-est, à peu près. Et surtout, les judicats de sud-ouest a été très important pour la figure d'Éléonore d'Arborée. Que moi, quand je faisais mes études sur la Bretagne, je l'ai comparé plusieurs fois avec Anne de Bretagne. Ils ont en fait des similitudes, c'est très intéressant de sortir de nos objets, voir qu'elle. Éléonore d'Arborée, en 1388, a donné une charte, elle l'appelait Charta de Logu en sarde. C'est en fait un des premiers exemples des codes pénals en Europe. Et la Sardaigne, après ses battles de 1409, a perdu son autonomie. Donc les judicats, ils ne sont pas plus restés. Éléonore d'Arborée meurt quelques ans avant. Et son père n'est pas réussi, Leonardo d'Alagon n'est pas réussi à tenir l'île parce que le projet, c'était celle de faire les quatre judicats tous en seulement pour faire une Sardaigne indépendante, en fait. Mais les Aragonais avant et les Catalans après, jusqu'à 1479, ont occupé l'île, même sous l'occupation, ils ont voulu quand même maintenir les us et les coutumes de la Sardaigne, typiques de la Sardaigne, et ils ont aussi laissé les principales institutions. Et en fait, une des premières formes de parlement en Europe, organisée en Europe, a eu lieu juste en Sardaigne avec les stamenti, ils étaient des formes parlementaires pas si démocratiques naturellement comme celles qu'on connaît aujourd'hui, mais des ancêtres très importants à étudier pour les historiens des institutions. Après, de 1560 à peu près jusqu'à 1700, 1715, la Sardaigne a été occupée par les Espagnols, qui ont laissé aussi sur la langue certains, pas mal de noms, pas mal d'héritages, si vous voulez. Et pour deux siècles, donc ils ont coupé la Sardaigne pour deux siècles, mais avec la même conviction des Aragonais, des Catalans, de laisser le peuple s'organiser comme mieux ils pensaient, sinon pour la gestion des taxes, des impôts et tout ça. Après, il s'ouvre la période la pire pour la Sardaigne avec l'arrivée du royaume de Savoie et les Piémontais. Ils ont pris les pouvoirs à partir de 1720 et jusqu'à l'unité d'Italie en 1861. Ils ont occupé la Sardaigne et ils ont essayé de transformer, si vous voulez, la société sarde. Il avait par exemple le berger. Il avait des d'utilisation, on peut dire, communistique. Enfin, pas communiste, mais communistique, je ne sais pas si en français il y a un terme pour expliquer ça. Mais bon, pour vous expliquer, les terres étaient libres pour tout et tout le monde pouvait amener les moutons pour la gestion quotidienne des animaux. Et après, en fait, ce système ici a empêché qu'on se continue comme ça. Et donc, ils ont fait des lois pour séparer les territoires et les terrains. Donc, il y a eu des gens qui ont occupé les terres et ils ont fait exprès que les bergers payaient des impôts pour pouvoir porter les moutons et pour pouvoir cultiver la terre. Ce qui a provoqué, en fait, des révoltes. Et qui commence, en fait, pour certaines historiennes, la question sarde, ça commence en ces périodes. Et il y a eu un rébellion de ce qu'on peut appeler les Pasquale Paoli sardes, à peu près la même période, Giovanni Maria Angioi, qui a essayé de regrouper un grand nombre de Sardes qui sont partis du centre et du nord de l'île pour arriver jusqu'à Cagliari et essayer de faire enfouir les rois, les vice-rois, on dit mieux, piémontais qui restaient sur l'île et qui gouvernaient l'île. Et donc, le 28 avril 1794, en fait, aujourd'hui aussi, le 28 avril, c'est la fête nationale, entre guillemets, et ils ont réussi à avoir une indépendance, parce que l'objectif, c'était de Giovanni Maria Angioi, qui était en France avant. Il a eu aussi les idées de la Révolution française, il a essayé de porter certaines idées de la Révolution française en Sardaigne, mais avec pas de succès après, on peut dire. Et donc, il a libéré la Sardaigne pour 5-6 ans. Et après, en fait, les Piémontais ont regroupé leurs forces, leurs armées. Elles ont réussi à récupérer l'île. Et en fait, à la fin, finalement, la Sardaigne devient italienne, surtout après les 1861, quand, la date de la constitution de l'Italie, de la formation de l'Italie. Et ici, je vous ai donné deux dates importantes. Le parti sarde d'action, qui c'est les trois, je vous anticipe, c'est le troisième parti ethno-régionaliste à s'être formé en Europe encore vivant. En 1921 et après l'autonomie spéciale, on va le voir, en 1948, après la guerre, avec le statut d'autonomie. Et en fait, on peut voir après comme ça. Comment on peut définir le clivage sarde et pourquoi il est né? Donc, il faut dire que la Sardaigne a toujours vécu... Pas avec plaisir, comme vous pouvez imaginer, l'occupation de divers peuples qui essayaient de l'occuper, en fait. Et donc, tous les centres que, pendant son histoire, elle a eu, elle a essayé toutes les fois de les combattre, de faire face. au moins au niveau au niveau identitaire, sinon au niveau politique, sinon au niveau armé quand même. Donc la question sarde naît quand les peuples sardes voulaient revendiquer l'autonomie dans un sens plus ample que vous connaissez en France. En clé moderne pour l'Italie, par rapport à l'Italie. Et donc, elle s'ouvre officiellement, on peut dire qu'elle s'ouvre officiellement, c'est un petit peu c'est ce qu'on a passé en Bretagne avec la naissance de l'EMSAV, à peu près, en 1880, quand officiellement il y a eu des intellectuels qui sont très importants aussi, parce que par exemple Tuveri, il a eu un des premiers penseurs fédéralistes, on peut dire, en Europe, qui ont posé en prépotence, la question sarde. Un des rares exemples, mais pourquoi c'est particulier? Parce que les politologues et les sociologues ont vu, ces études, on voit très bien que les clivages centre-périphérie n'est surtout, pas seulement, mais surtout, pour des questions culturelles, linguistiques et culturelles. Les cas sardes, c'est particulier parce que le clivage est né par des questions surtout socio-économiques. Mais pas parce que la culture n'était pas importante, mais seulement parce qu'elle ne constitua pas un problème. Pourquoi? Parce que la langue sarde était parlée partout, presque partout, et donc pour les c'est bizarre ça, je me rends compte, mais pour les fédéralistes, pour l'autonomiste et même aussi pour les indépendantistes, pour les premiers indépendantistes, l'objectif c'était celle de faire connaître l'italien, parce que c'était, on est déjà sous l'occupation, sous l'État italien, c'était celle de faire connaître l'italien, parce que l'italien, c'était la langue qu'il fallait connaître pour mieux connaître, en fait, des conséquences, l'État qui occupait, en fait, l'île. Et donc, comme il y a écrit aussi, c'est une langue complètement différente, tout à fait différente, presque tout à fait différente par rapport à l'italien. Et provoqué des continus mécontentements pour le fait que l'État, de façon sournoise, on peut dire, a essayé, a essayé de limiter l'utilisation de la langue. Donc, on peut dire que de façon officielle, le clivage sarde, c'est... se politise en 1921 avec la naissance du Parti Sarde d'Action. Après la guerre, en 1948, l'État italien donne à l'île son statut d'autonomie, après on verra, parce qu'elle était préoccupée des poussées séparatistes qu'il y avait en Sardaigne et en Sicile. L'idée indépendantiste va disparaître jusqu'aux années 60-70, où elle va remonter surtout, en ce moment, oui, des raisons culturelles, parce que les Sardes devenaient en plus en péril de disparition, si vous voulez. Donc, depuis ce moment, l'identité sarde a repris une importance très très élevée, vu qu'avant, il n'y avait pas de raisons, si vous voulez, pour fixer l'importance de l'identité. Et donc, c'est à partir de cette période-là qu'on commençait à parler d'une nation sans État. Comment on peut dire est-ce que vous voyez? Oui. Comment on peut dire si la Sardaigne c'est une ethno-région? Pourquoi on peut la définir comme ça? Parce que tout au long des siècles, elle a développé une culture tout à fait autochtone qui avait rien à voir ou peu à voir avec les autres cultures et les autres identités qui occupaient l'île, surtout celle italienne. On a développé en Sardaigne des us et coutumes originels qui Parfois, sinon, on peut dire souvent, on n'était pas compris vraiment par les Italiens qui avaient des autres, del Piemonte au mieux, qui avaient des autres façons de raisonnement, et ils étaient différents par rapport aussi aux us et coutumes qu'il y avait en Sardaigne. Et une société qui allait s'organiser de manière tout à fait différente, même pour l'organisation du travail, même pour l'organisation des terres, comme on a vu avant, et tout ça. Et donc, du point de vue social aussi, on pouvait trouver une île qui n'avait peu à quoi faire avec l'Italie. La Sardaigne avait une langue autochtone qui n'avait presque rien à faire avec l'italien, et surtout au début, ne représentait pas un problème, parce qu'environ les 85% de la population la comprenait, la parlait. Et donc, les problèmes contraires, comme je vous disais avant, c'était celle de faire connaître l'italien. C'est une autre chose particulière en Sardaigne, que la prise de conscience identitaire, la spécificité, on peut dire l'autoconscience du peuple, pendant la Première Guerre mondiale. Plusieurs Sardes, comme les Bretons, ont été envoyés à combattre sur, je ne sais pas en français comment dire, sur les premières lignes, brèches. Sur les fronts. Parce que, comme les Bretons, ils parlaient une langue qui, même si interceptée, si vous voulez, on ne comprenait rien de ce qu'ils disaient. Et donc, l'État italien, les généraux italiens, ils ont pensé de constituer une brigade faite seulement, composée seulement par des soldats et des généraux sardes qui pouvaient parler dans leur langue. Et quand les Autrichiens avaient la possibilité d'écouter, c'est ce qu'ils disaient, et ils disaient, mais bon, ces langues, c'est quoi? Et donc, ne comprenaient rien. Donc, c'est vraiment fait pour avoir un esprit de corps. Parce que, si vous voulez, il y a eu les soldats sortaient de l'île pour la première fois pour combattre une guerre de laquelle ils ne comprenaient pas pourquoi, pour qui. Et le même concept d'Italie, c'était presque méconnu, parce qu'en fait, même l'Italie comme organisation étatique était encore extranée, on peut dire, étranger en fait. Et dans ces périodes ici, même aussi Gramsci, que je pense que vous connaissez comme théorique, etc., il s'est occupé, il était sarde, donc il s'est occupé aussi de la question sarde, même si d'un point de vue différent par rapport au créateur et au fondateur du parti sarde d'action, c'est-à-dire Emilio Lussu et Camillo Bellieni, qui en 1921, ils ont réussi à former le parti. Et tout avant la comparaison du fascisme, ils ont réussi à faire avoir au parti jusqu'à 32% en 1922 aux élections nationales. Il s'agit de scores électoraux très très importants. Et le parti Sardes d'Action est devenu le vrai parti de masse en Sardaigne. Et en fait, on dit aujourd'hui encore qu'en Sardaigne, toutes les personnes, tous les hommes, toutes les femmes, ils ont eu ou un grand-père, un arrière-grand-père, un oncle et tout ça, qu'ils faisaient partie du parti Sardes d'Action. Pour dire, pour définir comme ils étaient répandus, la volonté de politiser la question sarde. Après, le fascisme a créé naturellement avec quelques problèmes. Pourquoi? Quel est le rapport, au contraire, de l'Italie avec la Sardaigne? On peut dire que c'est pas moi en tant que sarde que je l'ai dit, mais il y a des études qui démontrent comme ça, reconnues aussi par des historiens, par des sociologues italiens, enfin pas sardes mais italiens, et que l'Italie n'a rarement regardé les questions de la Sardaigne, sinon vraiment pour des périodes très très limitées de son histoire. il y avait un droit civil pénal qui a été imposé en Sardaigne, qui avait des logiques philosophiques et socio-économiques tout à fait différentes par rapport à ce qu'il était la constitution d'un État qu'il ne pouvait pas comprendre, arriver bien à comprendre. Et la langue sarde n'a pas vu un péril par l'État italien jusqu'aux années 60, parce que l'État italien a envisagé qu'en fait le fait d'être une île ne pouvait pas poser des questions et de pousser séparatistes comme celles qu'il y avait après la guerre. Alors oui, il y avait des poussées séparatistes qui l'État craignait pouvait se répéter encore. Mais sinon, en cette période-là, non, pas du tout. La langue est restée vraiment au coin de la question. Et aussi, c'est seulement les questions socio-économiques à avoir eu leur poids. La distinction importante, il faut le faire, entre questions sardes et questions méridionales, il s'agit de deux phénomènes tout à fait différents par rapport au fait que la Sardaigne, géographiquement, peut être considéré sud, mais aussi centre, mais surtout il n'a rien à voir avec la question méridionale, c'est une autre chose. Et on a développé aussi l'expression des colonies internes, qui Acter aurait défini beaucoup plus tard, pour expliquer aux autres ce qu'il fallait voir dans la question sarde. L'île qui était occupée, qui était arrêté dans son développement pour un État qui n'avait pas vraiment envie de le développer. L'autonomie du statut spécial donné en 1948 a été fruit, je me suis permis de dire ici, d'une opportunité mal comprise. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'État, étant préoccupé de pousser ses partistes, avait demandé aux Sardes quels sont les formats, les modèles des statuts qu'ils voulaient. Ils ont choisi de l'avoir comme celle de la Sicile. Mais ils ont pensé que celle de la Sicile était très très limitée par rapport à ce qu'ils voulaient. Sont surtout les députés sardistes du Parti Sarde d'Action à avoir refusé ça. Mais bon, alors l'État a leur dit, mais bon, si vous voulez, c'est ça, sinon vous perdrez aussi cette forme d'autonomie. Donc ils ont été obligés à prendre le modèle proposé par l'État italien, qui en ce moment c'est moins important, avec des pouvoirs moins expressés par rapport à celle sicilienne. Donc, ils ont fait un erreur historique, on peut dire. C'est le Parti Sarde d'Action qui a fait un erreur dans son histoire. Et ça ne marche pas. Je ne sais pas. Ah oui, ça va. Merci. Donc, très rapidement, quel est le rapport de la langue sarde avec l'italien? C'est pas si clair. Je divisais la Sardaigne. La Sardaigne est divisée par deux dialectes principaux de la langue. Un que c'est la partie centre-méridionale et une autre que c'est la partie centre septentrionale de l'île, divisée encore dans une partie occidentale et dans une partie orientale. Comme je vous disais avant, il s'agit d'une langue très différente par rapport à l'italienne, même si on dit comme les linguistiques la considèrent comme la langue néo-latine la plus conservative. Tout ça c'est vrai, mais c'est vrai aussi qu'il a des expressions, des bases qui arrivent tout à fait de la langue nouragique parlée par les nouragiciens, et donc c'est pour ça que les Italiens, quand on parle en sarde, ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'on dit. quelques mots, parce qu'il y a en effet des dérivations latines, mais pas d'autres. Pour homogénéiser les pays, pendant le fascisme, il y a eu une loi, parce qu'il y a eu la volonté de Mussolini, je vous ai écrit ici, je le lis textuellement, qu'il disait qu'il fallait italianiser une île, dernier avant-poste non italien, à compter de l'élimination d'une langue impénétrable. Avec cette expression, on peut comprendre comme la volonté de l'État, fasciste en tout cas, c'était celle de limiter, sinon de détruire, le patrimoine linguistique italien, donc sarde. Donc ils ont fait des lois pour limiter la possibilité, et après pour éliminer la possibilité de donner les noms au nom des fils des noms sardes. Loi qui a disparu seulement en 1960. C'est pas comme en France que l'État, par exemple pour les Bretons, a essayé de le faire en manière ouverte, délimiter, d'imposer, de ne parler pas breton. L'État italien l'a fait de façon sournoise. Par exemple, en faisant voir comme ils étaient honteux parler en sarde, en fait, je me suis permis dans une étude de comparaison de sardo-breton de l'appeler l'honte linguistique, parce que les sardes ont été limités par les médias, la télévision et tout ça, pour dire que c'était pas convenable, socialement convenable de parler plus en sarde. Aujourd'hui, la langue est reconnue, oui, une langue minoritaire en Italie, mais même si c'est la minorité linguistique la plus importante dans le pays, ils n'ont pas eu d'argent pour pouvoir développer les études et la possibilité d'enseigner en sarde aux élèves. Ce qui n'est passé pas pour les Français en Valle d'Aoste ou pour l'allemand en sud de Tirol. C'est à peu près la situation d'avant. Maintenant, est protégée dans la langue d'une loi régionale, la numéro 26 de 1997, et un petit peu comme pour les Bretons, il a fallu standardiser la langue, parce que les deux variétés, en effet, ils ont très riches de dialectes internes, et donc le logudoré nuoré, que c'est la langue centre septentrionale, comme je vous ai montré avant, et le campidané, on se comprend quand même, mais il y a des différences, il fallait les standardiser. Et donc il a été créé la Limba Sarda Comuna, que c'est une langue, c'est une façon d'homogénéiser, surtout au niveau écrit, la langue, un petit peu comme le breton pour ses variétés. Efforts supplémentaires ont été faits pour enseigner la langue dans les écoles, mais même si on a un état un petit peu, entre guillemets, ouvert de ce point de vue par rapport à l'État français, on n'a pas, par exemple, l'expérience que vous avez avec les écoles d'Iwan. Pas du tout. Et donc, reste encore une battle à faire avec les indépendantistes, mais pas seulement eux, ils font encore pour démontrer l'importance de l'enseignement de la langue. Donc, avant de continuer, je voulais vous montrer des données qui sont sorties dans questionnaire, dans des entretiens, à peu près 6 000 qui ont été faits il y a 2 ans pour les sentiments d'appartenance. Parmi les autres questions qui ont été posées, moi j'ai suivi une partie de cette recherche, qui ont été faites pour l'identité et pour le fait d'imaginer la Sardaigne au niveau des politiques, des communautés politiques, en fait, on la verra après, pour le futur. C'est bizarre parce qu'en fait, la question Moreno, vous savez mieux que moi, c'est la classique question, vous vous sentez plus, en ce cas, breton, français, plus breton que français, tout ça, en Sardaigne n'a jamais été posée. Jamais. Sinon, pour une fois, en 1973, mais de façon très, très, largement très, très impropre et pas vraiment scientifiquement valable. Donc ça, c'est l'unique expression. Vous, professeur, vous connaissez très bien la question. C'est bizarre parce que c'est le premier exemple de question moraine posée aux Sardes. Environ 6000 personnes ont répondu. C'était un questionnaire fait surtout par Internet, mais on a aussi fait des façons de porter pour avoir toutes les classes d'enfants, comment dire, pour remplir toutes les catégories. Oui, toutes les catégories et les âges, les différents âges. On a porté, par exemple, pour les personnes âgées, on l'a fait manuellement. Et donc, du point de vue scientifique, statistique, ils sont apparemment des données très, très importantes. Et comme vous voulez, les personnes qui répondaient qu'ils se sentaient seulement sardes sont les 26%. Les personnes qui disaient plus sardes qu'italiens, les 37%. Donc, si on va sommer les 37 et les 26, on se rend compte que l'identité sarde est très, très, très importante. En la même manière, sardes qu'italiens, les 31%, et après, vous voyez, plus italiens que sardes, seuls sardes. Seuls sardes, oui, seuls italiens, oui, je me suis. Oui, d'accord. Excusez-moi, oui, seuls sardes, 1%. Donc, on arrive à 6% à peine de ce qu'on n'entend pas l'identité sarde. C'est important, et c'est plus important encore ça. Il y avait une question où on parlait de la politique sarde, de la communauté sarde, du point de vue institutionnel et politique, en tout cas. Et on demandait si... la question, c'était « Désiriez-vous une Sardaigne indépendante, une Sardaigne dans un État fédéral, une Sardaigne autonome dans un État central, comme on l'est ?» Et donc, vous pouvez voir les réponses. Les 10% des Sardes ont répondu qu'ils voulaient être indépendants de l'Italie et de l'Union européenne. Les 31%, ils ont répondu qu'ils se sentaient indépendants de l'Italie, qu'ils voulaient en Sardaigne indépendante de l'Italie, mais à l'intérieur de l'Union européenne, ce qui fait 41%, donc un pourcentage pas négligeable, on peut dire. Et les 46% sont le plus fédéralistes, entre guillemets, mais quand même, ils désiraient un État fédéral, mais à l'intérieur d'une Sardaigne avec des pouvoirs, des institutions régionales avec plus de pouvoir. Et seulement les 13% prenaient en considération l'idée de rester comme ça, en Italie, avec l'actuel statut d'autonomie, ou sinon 1% seulement en Italie, avec pas de statut d'autonomie, en imaginant un État très, très centraliste. Je crois qu'il s'agit de données très importantes, surtout pour expliquer ce qu'on verra maintenant. On voit bien que les données démontrent une forte identité, une volonté de politiser cette identité, mais la réalité des choses n'est pas vraiment la même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un des problèmes le plus grand, un petit peu comme en Bretagne, on a eu les mouvements indépendantistes, culturels si vous voulez, c'était celle de politiser de façon continue ces clivages. Donc, ce qu'on dit toujours chez nous, l'identité n'est pas suffisante pour politiser un clivage réellement existant, mais apparemment pas ressenti par la population au niveau politique. En fait, je me suis permis, en faisant des comparaisons sardes-bretonnes, de penser à la Bretagne, à la Sardaigne, comme des régions avec un élevé potentiel ethno-identitaire, mais qui n'arrivent pas à politiser de façon continue et constante, comme des autres nations, on peut dire, entre guillemets, européennes, comme la Catalogne et diverses d'autres. Et donc, la Sardaigne est connue parce qu'il s'agit d'un phénomène karstique, très très lent, un vaisseau mêlant, et qui est caractérisé par des vagues. Donc, et c'est bizarre parce qu'on peut vraiment définir des vagues des décennies, décennales. Par exemple, les années 40 par rapport à les années 50, par rapport à les années 60, par exemple, qui sont caractérisés par des vagues. En fait, je les ai appelées un cycle sommeil-éveil, où dans certaines périodes, la politisation du clivage dormait, et dans certaines périodes, d'autres périodes, il se réveillait. Pas vraiment des femmes. Je sais pas si... Ça marche pas, je sais pas pourquoi. Il faut faire quoi? Il n'y a plus rien. Non, non. On y travaille. Il faut refaire le coup. Oui. Ici. Okay. D'accord. Excuse-moi, mais je comprends pourquoi. Juste quelques rapides repères sur les parties sardes d'action. Parce qu'en fait, c'est très très important pour ce qu'on va voir aussi après. Comme je vous disais avant, il est né en 1921, le troisième parti ethno-régionaliste en Europe, et il s'est formé pendant la Première Guerre mondiale par les soldats et les généraux sardes qui combattaient la guerre hors de la Sardaigne, naturellement. Quand ils sont retournés, quand ils sont retournés en Sardaigne, ils se sont aperçus d'avoir une identité forte qu'il fallait politiser, sinon la situation de la Sardaigne n'aurait jamais évolué, si vous voulez. Et donc, il deviendra le premier parti sarde et en Sardaigne interclassiste, on peut dire comme ça, même s'il n'existe pas comme expression en français. C'est pour vous faire comprendre qu'il y avait des bergers, des avocats, des intellectuels, des paysans, tous ensemble, pour le même combat. Il n'y avait pas une orientation politique dans les sens qu'aujourd'hui on peut connaître centre-gauche, centre-droite, mais l'histoire du parti, hors de du 2009, comme on verra, il a eu des centres-gauche. Donc, il a été en partie orienté surtout sur des positions de centre-gauche. Il a été en partie très persécuté, on peut dire, comme ça, pendant le fascisme, avec des arrestations et tout ça, parce qu'on reconnaissait ses membres comme des membres dangereux pour l'unité de l'État. Parce qu'on pensait qu'il voulait faire voulait prendre des hypothèses indépendantistes et séparatistes. Je vous ai mis on n'est pas si clair, mais deux fondateurs, Emilio Lussu à la droite et Camillo Belliene à la gauche. Surtout, Emilio Lussu a été un général sarde, un combattant, qui a été aussi un écrivain très important, qui a écrit des livres traduits aussi en français, parmi les pages les plus belles de la, si on peut dire comme ça, de la littérature des guerres, en fait. Les figures très importantes qui n'ont pas empêché, surtout pour Emilio Lussu, de faire l'erreur politique que je vous disais avant, hors de l'acceptation du statut donné par l'État italien. Après, pendant les années 50 et 60 surtout, le parti sarde d'action a eu une position ancillaire par rapport à la démocratie chrétienne. Donc il a entré à faire des alliances avec la démocratie chrétienne qui en avant la gauche, avant avec les socialistes et après seulement avec les communistes à l'opposition de des diverses gouvernements régionaux, jusqu'à la fin des années 60 et surtout les années 70, où le parti a fait un virage, a renouvelé son bagage idéologique, surtout avec la figure qu'on va voir après, d'Antonio Simon Mossa, qui c'était un indépendantiste sarde qui a entré à l'intérieur du parti pour le faire virer, pour le faire, comment dire, déplacer, à la gauche, vraiment. Donc, les vieux du parti sarde ont été mis en minorité et le parti sarde a pris une conscience plus indépendantiste. Jusqu'à en fait les années 80 ont été nommées celles du vent sardiste parce que les pourcentages du parti ont incroyablement augmenté jusqu'à 13,7% avec la figure de Mario Meles qui c'était le premier président de l'exécutif régional sardiste en Sardaigne. Avant aussi, mais surtout après cette période, il y a eu en Sardaigne beaucoup de maires, d'adjoints du parti Sardes d'Action, et donc il semblait que le parti était orienté vers une progression électorale quand même. Au contraire, pendant les années 90, avec l'émergence et de la Ligue du Nord, la question sarde a été a reculé, si vous voulez, et donc il a eu des pourcentages qui étaient à peu près sur les 5%, donc pas si vraiment fort comme les années avant. Jusqu'à arriver à 2009, lors des élections régionales, où les choix du parti Sardes d'Action de s'allier avec la coalition de centre-droite a provoqué une scission de l'aile gauchisante du parti, les Rossomori, qui ont abandonné le parti pour en faire un autre. Et on verra que c'est très il arrive très souvent en Sardaigne de faire des scissions continues, et parce qu'ils n'acceptaient pas de l'alliance avec le centre-droite. Mais pourquoi c'est important le terme autonomia en italien? Il faut dire qu'il ne s'agit pas que le même terme qu'on peut utiliser en français. Pour vous, la conception d'autonomie est ce qu'on a déjà, nous, chez nous. Et chez nous, la conception d'autonomie est quelque chose de plus puissant, de plus important que chez vous, pour faire une comparaison. Et surtout dans les cas sardes, les mots sont très importants parce que c'est la première région où on a utilisé ces mots, ces termes en Italie. Il a en fait deux significations principales. En signification des sens politiques, c'est-à-dire l'idéal particulièrement né avec la formation du parti Sardes d'Action. Donc, quand on parle d'autonomie en Sardaigne, on pense à l'expérience politique née à partir de 1900, si vous voulez. Et même si avec le parti Sardes d'Action naît aussi le mot sardisme, que c'est l'idéologie principale du parti même. Mais encore plus important, c'est la signification au niveau historico-institutionnel, c'est-à-dire l'expérience que la région a eue à partir de 1948 avec son statut particulier d'autonomie. Donc les critiques, les possibilités perdues et tout ça qui a caractérisé ces années et qui a, si vous voulez, donné à la Sardaigne des pouvoirs à la fois majeure par rapport aux régions ordinaires. Vous savez qu'en Italie, il y a 5 régions spéciales et les autres 15 ordinaires. Donc, elle a naturellement plus pouvoir que les régions ordinaires, mais elle a quand même moins de pouvoir par rapport à d'autres régions spéciales, par exemple la Sicile ou l'Adige, qu'ils ont plus de pouvoir par rapport à la Sardaigne. Pour la raison que je vous disais avant, le péché original de n'avoir pas pris la formule proposée par l'État. En fait, on peut parler en Italie de régionalisme différencié, en fait. Et la Sardaigne, c'est un témoin, on peut dire comme ça, de ces phénomènes ici. C'est important parce que les deux termes n'ont pas forcément, comme je dis, marché en se donnant les bras. Quelquefois, la partie politique n'a pas bien marché avec la partie historico-institutionnelle et tout ça. Pour les raisons qui on peut facilement imaginer, l'autonomie a eu des supporters et des critiques. Supporters parmi les personnes, les gens qui voyaient vraiment la possibilité d'améliorer les conditions socio-économiques de l'île, même si, dans un certain point de vue, ils les critiquaient aussi. Parce qu'ils disaient, par exemple, que la classe politique en Sardaigne n'a jamais su utiliser tous les pouvoirs que le statut d'autonomie lui donnait. Donc, la partie plus importante du Parti Sarde d'Action des années 50, 60, 70, et on peut la concevoir comme autonomiste, vraiment autonomiste. Donc, avec des supporters de l'autonomie. Surtout avec les plans de renaissance, soi-disant plans de renaissance, faits en 1962, où la Sardaigne a eu la première, peut-être la première et unique fois d'intérêt par rapport à l'État, qui a donné beaucoup d'argent à la Sardaigne pour la mettre en condition de pouvoir pouvoir la comparer, si vous voulez, avec les autres régions d'Italie. Mais avec beaucoup de dégâts, parce qu'ils ont créé une société qui n'était pas vraiment la société sarde. Ce qu'on a vu, parce qu'on a avec la modernisation par exemple, on a tenté d'industrialiser l'île en transformant un peuple des paysans et des bergers d'un jour à l'autre un peuple d'ouvriers. Et vous pouvez bien imaginer du point de vue social ce que peut représenter tout ça. Et donc pour certaines raisons a été un fiasco, on peut dire comme ça, le plein de renaissance, et jusqu'à une dizaine d'années, la parole, le mot autonomie, et donc la pensée autonomiste, c'était l'unique possible en Sardaigne, hors de l'expérience indépendantiste des années 70. On ne pouvait pas mettre en discussion le fait d'être autonomiste. Par contre, à partir des premières années de 2000, avec le nouveau siècle, les indépendantistes ont commencé à critiquer l'expérience autonomiste. Et ils ont donné toute une série de données et tout ça pour démontrer qu'il ne fallait pas être autonomiste parce que l'autonomie, même du point de vue historico-institutionnel et encore pire politique, ne pouvait pas donner à la Sardaigne l'autonomie vraie, l'autodétermination qu'on s'attendait. Et donc, tout ça a provoqué la naissance d'un sentiment d'indépendance très très fort avec la figure d'Antonio Simone Mossa, qu'il a eu la possibilité de faire un virage indépendantiste en Sardaigne. Ils étaient un intellectuel, un architecte, un polyglotte, il connaissait 8 langues, il avait pas mal de liaisons avec les Bretons, par exemple, et il était un militant indépendantiste sarde, et qu'il a essayé de pousser les Sardes vers l'indépendance, mais pas l'indépendance toute seule. En fait, on peut dire que c'est un des premiers qui a pensé en Europe, à une Europe de peuples et d'ethnies. Il a envisagé de la formation d'une Europe qui, au-delà des nations-États, pouvait donner aux peuples, aux nations différentes, répandues partout en Europe, la possibilité de s'autodéterminer, si vous voulez, quoi. Et donc, il a parlé, le premier, des fédérations de peuples et de la nécessité des Sardes de politiser leur identité. Il a parlé des peuples sardes comme des peuples en péril d'extinction pour ça, en fait. Parce qu'il craignait qu'il pouvait disparaître avec la langue, l'identité même. Il contribua à axer le PSDAS à gauche, les partis sardes d'action à gauche, avec les vents sardistes, comme je vous disais avant. Et il était aussi un militant clandestin de la MIRSA, du mouvement indépendantiste révolutionnaire sarde, qui a été aussi accusé, même s'il n'y a pas de preuves, d'avoir commencé à un certain période de violences politiques dans la même période qu'ici en Bretagne, le FLB, l'ARBE, commençait la même activité. Mais sa mort prématurée en 1971 a fait disparaître un point de repère, on peut dire comme ça, pour tous les... Je ne sais pas pourquoi. Ah non, ça va, ça va, c'est bon, merci. Alors, on peut dire que la Sardaigne, pour ses conditions socio-économiques, a traversé une situation de suspension entre la modernité et la tradition. N'a pas vraiment évolué vers l'une ou vers l'autre. Pourquoi ça? Parce que, en fait, la société, les façons de développement socio-économique sont restées pratiquement inaltérées depuis des siècles, on peut dire comme ça. Et la condition de sous-développement a été attribuée aussi au rôle du continent italien, mais aussi, il faut dire, au rôle de la classe politique sarde qui n'a pas réussi vraiment à faire évoluer les institutions locales. En fait, ce qu'on a déjà eu en Sardaigne pendant les années 50 et 60, les années du plan de Renaissance, donc il faut aussi voir ces paradoxes, les Sardes commençaient encore à émigrer comme jamais a été eu dans le passé. Et aussi, on a eu la reprise d'un phénomène qui c'est tout à fait différent par rapport à la mafia de l'Italie méridionale, que c'est celle du banditisme. C'est une forme de rébellion contre l'État, face à l'État, criminel quand même, on peut le dire naturellement, mais avec des raisons, entre guillemets, sociales plus compliquées à comprendre. Et donc, cet phénomène a exacerbé une situation de plus en plus très, très dangereuse pour la Sardaigne, en tout cas. Et surtout, on a vu que les pouvoirs contenus dans les statuts n'étaient pas en condition, surtout l'article 8, qui donne la possibilité à la Sardaigne de retenir sur place les neuf fonds, la plupart des impôts et des taxes payées en Sardaigne. L'État italien prend les impôts, mais ne redonne pas à la Sardaigne ce qu'il doit. Et donc, ça, c'est une différende, on peut dire comme ça, avec la Sardaigne et l'État, si on peut dire comme ça, enfin, un contraste, si vous voulez. Les sentiments d'indépendance nés à petit poids, petit pied, à partir des années 2000, a vraiment pénétré dans la société sarde. Et donc, à partir du 20e siècle, l'île est à nouveau séquée par des tensions sociales qui ont été aussi, si vous voulez, politisées par les indépendantistes. Vous voyez à la gauche la photo qui montre les affrontements entre les policiers et les bergers. Et au centre, la photo qui montre les manifestations contre le nucléaire et les déchets nucléaires qui ont pensé et on pense toujours de déporter en Sardaigne. Et à droite, les combats pour les servitudes militaires. Parce qu'en fait, comme je vous ai écrit là, les 70% des servitudes militaires italiennes sont en Sardaigne. Plus que 50 000 hectares de territoire sarde étaient toujours empêché pour l'utilisation par les civils, parce qu'ils font les exercitations militaires aussi les autres pays. Et plus que 80 km des côtes sont interdits. Et vous savez que enfin, le tourisme en Sardaigne, c'est très important. Et donc, ils sont totalement interdits pour les civils, si vous voulez. Quelques situations ont commencé à changer avec la présidence de Renato Solo en 2004, qu'ils étaient un homme de gauche, mais qu'il a vraiment regardé au mouvement indépendantiste aussi, les raisons indépendantistes. Et donc, il y a eu une réorganisation du mouvement sardiste. La chose la plus importante à dire, à retenir, c'est la naissance d'un parti indépendantiste en 2002, IRS, c'est l'acronyme d'Indépendance République de Sardaigne, qu'il a reçu avec des intellectuels, des jeunes intellectuels, a donné une opposition, une autre possibilité par rapport à ce qu'il passait avec les partis sardes d'action. Ils ont convaincu que l'indépendance, c'est une solution politique plus importante et en condition de donner la possibilité de résoudre les problèmes de la région. Et ils se sont opposés tout de suite à l'idée et à la stratégie politique du Parti sarde d'action. La société sarde a été vraiment tout à fait séquée par rapport à la naissance de ces partis, parce que surtout les jeunes, mais pas seulement les jeunes, ont trouvé vraiment un parti mouvementiste, c'est un terme qui n'existe pas en français, mais pour vous dire, c'est pas le parti officiel, mais c'est un parti très très actif dans la société sarde, non violent, pas nationaliste, mais pour la nation. En fait, il faut aussi dire que a été un des premiers partis indépendantistes en Europe à parler des anti-nationalisme. Et en fait, il est devenu un modèle pour des autres partis indépendantistes en Europe. Et il est réussi quand même à arriver à 5,3% au provincial de 2010. Donc un pourcentage pour un parti né 8 ans avant. Et avec des positions, vous pouvez comprendre, si aussi radicales comme les siennes, n'est pas, je pense, un pourcentage si négligeable. Donc on peut parler en Sardaigne d'un indépendantisme nouveau, oui. On peut parler d'un indépendantisme, comme je vous disais, pas plus nationaliste, mais un indépendantisme orienté sur la conception de la nation sarde et de l'identité, et surtout de l'identification, plus que l'identité. Parce que l'identité a été vue comme quelque chose que tu as continué, mais l'identification c'est plus dynamique. Si l'identité c'est plus statique, le contraire. Oui, c'est ça. Et l'identification, c'est plus dynamique. Et donc, c'est un processus politique et social très, très important par rapport au fait que les personnes aussi qui viennent en Sardaigne ou qui se sentent de pouvoir embrasser, on peut dire comme ça, la cause sarde, pouvaient le faire. Et pouvaient le faire aussi parce que les refus du nationalisme ne prenaient pas en condition, en rapport, le fait de la violence politique. Chez nous aussi, on a eu des épisodes, même aussi récents, de violences politiques indépendantistes, mais ils n'ont jamais eu la même relevance, par exemple, de la Bretagne, ou sinon de la Corse, ou des Pays Basques, bien sûr. Mais on a eu des arrestations dans les années 80 pour un article du code pénal italien qui a été jamais appliqué, attentat contre l'unité de l'État. Il y a eu des sardes arrêtés pour être accusés d'avoir projeté un coup d'État pour rendre la Sardaigne indépendante. Il y a une diverse attitude par rapport aux institutions locales. Avant, les indépendantistes sardes ne voulaient pas avoir rien à faire avec les institutions locales parce qu'elles étaient conçues comme dépendances de l'État italien et donc ils étaient mieux de n'avoir rien à faire. Par contre, il a tout changé. Parce que les institutions locales sont devenues les moyens, si vous voulez, la possibilité de faire entrer à travers les institutions leur idée. Et donc il y a eu, par exemple, du parti qu'on a vu avant, IRS, divers maires, adjoints à la mairie et tout ça, conseillers municipaux, qui sont devenus des avant-postes, on peut dire comme ça, du mouvement indépendantiste dans les institutions. Il y a eu aussi une chose qui a un phénomène qui avant c'était presque impossible à penser, à juger aussi, en quelques tentatives de parler, d'avoir une confrontation avec les forces centralistes entre guillemets opérant en Sardaigne. Et ici, il y a eu un phénomène particulier très important à étudier du point de vue politique, je pense, je crois. Que c'est le fait qu'avant, le parti centraliste en Sardaigne n'avait rien à voir avec les partis indépendantistes. Au contraire, il disait qu'il s'agissait du folklore. Par contre, quand ils ont vu qu'il posait des questions vraiment importantes, ils ont fini pour poursuivre eux-mêmes les questions élaborées par les indépendantistes. Et du jamais vu, en fait, on peut dire. Comme ça. Et donc, c'est un indépendantisme contemporain, je l'ai nommé dialogante. C'est différent par rapport à ce qui s'est passé avant, mais c'est une nouvelle forme de faire indépendantisme, si vous voulez, avec les refus surtout de la violence. Je vous ai mis ici des photos qui sont identificatives de la pénétration de la culture de la, indépendantiste ou sinon fortement identitaire dans la société sarde. En haut, on voit à gauche des statues. Et vous direz, mais pourquoi ? Ils sont des statues trouvées en Sardaigne depuis 1970, mais toujours cachées. Parce qu'ils pouvaient être des repères historiques, archéologiques, qui pouvaient montrer la présence d'une civilisation autonome. Et donc, pour plusieurs années, les archéologues italiens du ministère ont empêché de restructurer ces statues. Désormais, dans les sites archéologiques, vont trouver beaucoup plus de ces statues qu'ils font face aussi à statues grecques quand même. Et donc, ils donnent l'image d'une civilisation autonome et autochtone, ce qui a été repris par, comme vous pouvez bien imaginer, par les mouvements indépendantistes, qui pensaient, non, c'est vrai, vous disiez que nous n'étions pas indépendantes, que nous n'étions pas en condition d'avoir des relations et des liaisons avec les autres peuples de la Méditerranée, et nous, on vous démontre que oui. Au centre, c'est le virage de l'équipe de foot de Cagliari, qui c'est l'équipe de Ligue 1, on peut dire comme ça, de Serie A en Italie, qui ça commence à avoir un virage et des supporters qui de plus en plus ont pris la cause sardiste, autonomiste, indépendantiste, en fait, vous voyez là le drapeau sarde. À droite, la pénétration au niveau musical, mais. Je suis en Bretagne, donc vous pouvez bien imaginer, c'est un groupe musical rock très très important en Sardaigne, il s'appelle Kenzenek, ça veut dire en français sans faute à peu près, c'est un petit peu comme les Ramoneurs de Menhir, pour faire une comparaison à peu près, juste pour expliquer. Et aussi le virage de l'équipe de basketball de Sassari, qui c'est au même l'équipe du championnat italien le plus élevé, je ne sais pas comment c'est en France. Et les syndicats sardistes, indépendantistes, au centre, pendant des manifestations, ils étaient tout au début un syndicat très très petit. Il va augmenter ses militants et sa capacité de pousser sur les choix économiques. Après, j'ai mis aussi une photo des élèves dans l'école qui, en sarde, il y a écrit « Nous voulons les sardes dans les écoles ». Il y a une reprise de conscience de la langue aussi, et ça a été naturellement bien évidemment politisé par les indépendantistes. Et en bas à droite, les émigrés qui protestent pour la continuité territoriale qui a été à maintes reprises mise en péril par l'État italien. Et ils sont les émigrés de Milan, là-bas, à l'aéroport, qui protestent pour avoir une véritable continuité territoriale. Et je me suis permis aussi de vous mettre les photos de personnes qui peut-être vous connaissez un petit peu en France. C'est les gardiens du Paris Saint-Germain, même si je suis supporter de Stade Rennais, mais et je connais Salvatore, je suis ami de père. Salvatore Sirigu à la gauche et Caterina Murino au centre, qu'ils ont été aussi des véritables émissaires de la cause sarde, mais ils ont dit à maintes reprises que la Sardaigne, il fallait avoir une autre perspective. Ils n'ont jamais dit, on se sent indépendantiste, mais pas du tout. Mais sinon, il a eu, en fait, la Caterina Murino est vêtue en costume traditionnel sarde là-bas. Et il a dit que la Sardaigne, il faut faire d'autres choses parce que la situation ne s'est pas plus supportable comme ça. À niveau politique, on est arrivé presque à la fin. Oui. À niveau politique, on peut dire qu'il y a eu une connexion incohérente. Je parlais de ça aussi pour la Bretagne. C'est-à-dire que les agents, les acteurs de du régionalisme sarde, en ce cas, ils ne sont pas mis en exergue avec les autres. Et donc, ils ne sont pas réussis à avoir une force politique, une véritable force politique, comme je vous disais avant, pour politiser les clivages. La faiblesse, la relative faiblesse force électorale des forces indépendantistes peut être expliquée par cette raison et aussi pour les différentes scissions qu'on a vues auprès des forces ethno-régionalistes. Quels sont les acteurs les plus importants en ce moment en Sardaigne, juste pour faire une brève description? Il y a difficulté parce qu'il y en a beaucoup encore plus, mais les plus importants sont les partis sardes d'action qu'on a vu. Borsa Paris, c'est l'écrit, ça veut dire allons-y ensemble. Ça, c'est vraiment l'expression plus adoptée aussi par les indépendantistes, même si c'est une invention du parti sarde d'action, qui ça veut dire comme il faut lutter tous ensemble, même si la réalité des choses, ce n'est pas pareil. Les Rossomori, qui sont l'aile gauchisante, comme je vous disais, qui ont abandonné les sardistes, qu'ils sont plus souverainistes indépendantistes, et aussi les Progress, qui est en partie issu de IRS en 2008. Il y a eu une scission auprès du parti que je vous disais, ils sont tous les deux indépendantistes. Ou sinon, il y a eu un parti de nouvelle formation il y a un an, le parti des Sardes, qui c'est plus souverainiste et il gouverne la région aussi, comme on dira la slide qui verra. Et après, deux partis indépendantistes de gauche et d'extrême gauche, le Front indépendantiste uni et à la gauche pour l'indépendance. Ici, c'est les résultats électoraux de cette année, des régionales de février passé en Sardaigne. Et il me semblait très très important de vous montrer ça, parce que, l'homme que vous voyez à la gauche est de centre-gauche, et le nouveau président, il a gagné avec les 42,5%, mais avec des partis indépendantistes dedans, dans sa coalition. En fait, comme il a écrit, même si le nombre de conseillers régionaux a baissé jusqu'à 60, il y a 9 personnes qui on peut définir et même se définissent comme indépendantistes, du jamais vu en Sardaigne. 4 du parti sarde d'action à l'opposition et le parti désormais se configure comme un parti indépendantiste. Et sinon, deux des Rossomori, deux des partis des Sardes et un des IRS en majorité, qu'ils sont tout à fait indépendantistes. Le centre gauche a gagné face le centre droite, donc grâce aux forces indépendantistes. Mais ce qui reste très très important à souligner, c'est que cette femme, c'est une écrivaine sarde qui ça commence à être traduite aussi en France et d'autres parties aussi, qui a écrit j'ai trouvé ça traduit en français, La guerre de Saint et Acabadora. Elle a été appelée par Progrès, un parti indépendantiste, pour être au chef de la coalition. Et pour une loi électorale incroyable, même avec les 10,3% de voix, des scores électoraux obtenus, elle reste dehors du conseil régional. Et donc, les 10,3% de Michel Amurgio, avec l'1% et le 0,8%, mais il ne s'agit pas de grand-chose. Le 5,7% de Mauro Pili qui a embrassé, lui qui venait de la droite, il était berlusconienne, il a embrassé la cause sardiste, au moins sardiste. Ils ont créé 15-16% des indépendantistes restés dehors du conseil régional. Du jamais vu dans l'histoire politique institutionnelle de la Sardaigne, il me semblait utile pour vous faire voir vraiment comme la transformation d'une certaine identité au niveau politique, en clé politique, est déjà une chose à prendre à référence. Je sauterai ça. J'avais essayé de faire une comparaison entre la Sardaigne et la Bretagne. Je me suis permis, mais je ne sais pas, j'ai plus lu de temps, peut-être que je m'arrête. Oui, il vaudrait mieux qu'on puisse... D'accord, oui, d'accord. Si vous voulez, on peut retourner ici. D'accord. Je restais quelques ouvrages en français des références, si vous êtes intéressé, merci beaucoup. Excusez pour ma longueur et pour mon français surtout. Merci beaucoup. Merci. Bon, on va donc pouvoir débattre.